Chapitre 9e. Les invitations couraient dans Paris. On se donnait rendez-vous entre amis à l'hôtel Guillemard, rue d'Offémont. Irez-vous chez Guillemard samedi? Et comment n'irait-on pas? Ce devait être superbe. Guillemard avait fait des folies. On parlait d'une rampe en fer forgé qui avait coûté aux financiers les yeux de la tête, des autres. Louis Ribert, le cousin, avait, pour les plafonds, découvert chez un vieux vénitien, ancien ministre de Manin, mort récemment, des tiepolo authentiques. Le tapissier avait enfin fini, Guillemard lui en donnait carte blanche. Elle devait être chargée, la carte à payer. Mais les tentures, les rideaux, les portières aux couleurs éteintes, dans le goût anglais, vert Queenan, les meubles de peluche brodés, applications de broderies anciennes, les soieries japonaises, tout le mondain, l'archéologique et l'exotique mêlés, devaient évidemment faire pâmer les invités. Des bibelots à profusion authentiques, tous du temps, et le raffinement du luxe moderne pour encadrer ses bahuts d'ébène, ses cabinets mauresques, ses dressoirs, qu'eussent amené un rictus d'envie aux lèvres minces de l'oncle Ducret. « Je crois, avait dit Raymond, que notre inauguration sera réussie. Dans 8 jours, l'hôtel Guillemard sera le plat du jour des chroniqueurs. C'est amusant de devenir une actualité. » Devant un petit bureau de boule, la jeune fille écrivait, mordillant du bout de ses dents sa plume et jetant parfois les yeux sur une liste écrite avec soin, d'une écriture anglaise et lancée de jeune miss. Elle semblait chercher, Raymond, dans sa petite tête rousse, des noms oubliés, des noms célèbres, lorsque, tac, tac, quelqu'un frappa à la porte. « Qui est là ? » dit-elle. « Moi. » C'était Louis, le cousin Louis, ce sauvage de cousin Louis. « Ah, te voilà, grand fou. Entre donc. » dit-elle. « Bonjour, cousinette. Ton père n'est pas ici. Comment veux-tu? C'est l'heure de la bourse. » Louis se pencha sur le dossier de la chaise, regardant ce que Raymond écrivait par-dessus ses cheveux dorés. « Tu sens bon, Raymondinette. Qu'est-ce que tu écris là? Ça ne te regarde pas. »« Pardon, pardon, » fit le peintre avec un sérieux affecté. « En l'absence de ton père, je suis chef de famille ici. Oh, parfaitement. Je t'ai vu au maillot. » « Voyons, qu'est-ce que vous écrivez là, mademoiselle ? Devine. »« Oh, pour deviner, moi, je ne suis pas malin. »« Eh bien, » dit Raymond, « je fais le service de la presse. »« De la presse ? Quelle presse ? » ?»« Eh bien, les journaux, tiens. »« Ah ça, d'où sors-tu ? Ton atelier est donc de la lune. »« Je voudrais bien, » fit Louis Ribert. « Ce serait plus haut que Montmartre, et plus original. »« La lune, comme tu y vas. » Pourquoi pas une étoile tout de suite, gourmande? Il prenait, sur le bureau de la jeune fille, la liste des journaux classés comme par un homme du métier, journaux quotidiens, journaux hebdomadaires, gazettes de High Life. Les illustrait mis à part avec cette indication pour demander peut-être un dessin. Ah ça, mais, s'écria Louis, c'est un catalogue ça. Qui est-ce qui a donc rédigé ça? Monsieur Edmond Lacoste. Louis Ribert fronça le sourcil. « Oh, je vois qu'il connaît les gazettes sur le bout du doigt. Et pourquoi as-tu besoin de la presse? Est-ce que tu débutes ?»« Justement. »« L'inauguration de l'hôtel. »« Pas autre chose. »« Ah, Mani, » fit le peintre. « Paraître, faire tapage. »« Quand il est si bon de s'étendre sur son divan et de ne rien faire que de rêver. »« Au chef-d'œuvre qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. »« Tu es bébête, ma petite Raymonde. » Si on les faisait, ce ne serait plus des chefs-d'œuvre. Mais il y a une chose qui me frappe, dit Louis. Ce monsieur Lacoste a indiqué des journaux de toutes les opinions. Est-ce que tu vas inviter tous ses frères ennemis? Tous. Oh, pas de politique devant une invitation. Et s'ils se dévorent? Ils ne se dévoreront pas, dit Ribert. Si le buffet est bon, ils n'auront plus d'appétit. Seulement, vous choisissez un singulier moment pour inaugurer l'hôtel. On étouffe. Le thermomètre monte comme à la bourse. Il spécule sur la hausse, le thermomètre. Nous ne choisissons pas, dit Raymond. Tu sais bien que nous ignorions quand le tapissier aurait fini. Ce sera la dernière fête de l'année, voilà tout. Nous clorons la saison. Ce sera encore du chic. Eh bien, ton tapissier, tardigrade comme tous ses confrères, finit tout juste au moment où l'oncle Ducret est diantrement malade. Une rechute, dit Raymond effrayé. Grave. « Je le quitte à l'instant, il bat la campagne. »« Pourvu, dit la jeune fille, qu'il n'aille pas mourir avant la fin de la semaine. Embrasse-moi pour ce mot. Tu es gentille, ma petite Raymonde. Un homme qui te laissera 5 ou 6 millions. Bah, 2 millions, je m'en moque. Papa en a. Mon mari en aura. Qu'est-ce que c'est que ça, 2 millions? Mais c'est tout ce qu'on veut. Et comme tout le monde veut aujourd'hui pas mal de choses, il est bon, par précaution, d'avoir 2 millions sur soi. Moi qui ne veux rien, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, veux-tu que je te dise, fit Raymonde, l'oncle ne laissera rien, ni à moi, ni à papa, ni à toi, ni à André. Je le regrette pour ma cousine. On dit que la maison de Ribert ne va pas très bien. Le cousin Victor est le contraire de ton cousin Louis, si présent. Il s'éreinte pour deux, pour lui et pour moi. Mais comme rien ne lui réussit, c'est exactement comme s'il menait la vie que je mène. Si l'oncle Ducret avait du cœur, ou du nez, à défaut de cœur, il léguerait sa fortune à Victor, et à cet adorable pauvre petit André. De cette façon-là, son argent aurait à la fin quelque utilité, il ferait des heureux. Et tu n'aurais rien, toi? Moi? Oh, moi, fit Louis, je n'aime pas le changement. Raymonde regarda un moment le peintre avec le sourire indulgent qu'on a pour les enfants, grands ou petits, puis, haussant les épaules, « Faut-il te donner mon opinion ? » fit-elle. « L'oncle Ducret est un vieil égoïste. Il n'a jamais fait de bien à personne. Je ne parle pas pour moi, il ne m'aime pas. Il me trouve trop peu respectueuse envers lui, trop écervelée, trop vaine, est-ce que je sais. Mais il est incapable de comprendre que Victor se tue à la peine, que Geneviève n'est pas contente de la vie qu'elle mène. Ça se sait, de reste. Elle n'est pas contente, Geneviève. Et qu'André n'a pas de dot. Pour s'apercevoir de ça, il faut avoir ce que l'oncle Ducret n'a jamais eu. » Il se toucha la poitrine du bout de ses doigts roses. « De ça, du cœur, comme tu disais. Je te dis qu'il ne m'aime pas. Pourquoi ferait-il exception pour moi? Il n'aime personne. Ah si, monsieur Olivier. Quand il en parle, c'est comme papa. Oh, monsieur Olivier, un homme de génie. Monsieur Olivier, pour les chiffres. Mais cette sympathie-là, Olivier la rend très peu à l'oncle Ducret. Homéopathiquement, s'il la lui rend. J'ai voulu 2 ou 3 fois lui parler de l'oncle à Olivier. Ah, si tu avais vu ses yeux. Ne me parlez pas de Ducret, mademoiselle. Et pourquoi, monsieur Olivier? Parce qu'il me plaît de n'entendre parler que des gens que j'aime. Oh, il est raide, Olivier. Et ce petit air-là lui va très bien. Il me plaît beaucoup, monsieur Giraud. Mieux qu'Edmond Lacoste, fit Louis, d'un ton qui voulait être railleur et qui peut-être, au fond, était ému, troublé ou jaloux. Ribert eût été fort embarrassé de le dire. Raymonde regarda son cousin bien en face avec un pétillement dans ses yeux bleus. « Pourquoi, monsieur Lacoste? Est-ce que c'est une malice, cousin ?» Louis avait pris, sur le bureau, une invitation sur parchemin, gravée en caractère gothique et scellée d'un large sceau de cire maintenu par un ruban de soie. À côté des enluminures rouges et or des majuscules, un dessin alerte montrait une foule très parée, habits noirs, robes à traîne, escaladant parmi les plantes vertes un escalier décoré somptueusement. « C'est de Lacoste, ce dessin, » dit-il. « C'est chiffonné. C'est élégant, ça a du chic. Invitation au Moyen-Âge, costume à la dernière mode, très joli. » La petite main leste de Raymonde arracha vivement le parchemin aux doigts de Ribert. « Eh bien non. Là, ce n'est pas de monsieur Lacoste. Ça t'ennuie. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, monsieur Lacoste, que tu le détestes tant? Moi, le pauvre garçon, le détester? Non, mais je le trouve trop gentil. Il m'a l'air de peindre surtout les dots. Raymonde se mit à rire d'un bon rire gai de jeune fille. Alors tu crois qu'il voudrait m'épouser, toi? Je crois que ton père ne le voit pas d'un trop mauvais œil. Il aligne de jolis inventaires au bout de l'an, Lacoste. Eh bien, et mon consentement à moi, dit-elle, railleuse. « Madame Lacoste ?»« Non, je veux un joli nom, moi, de la noblesse. »« Il en faut joliment aujourd'hui pour qu'on se retourne. »« Aussi, un marquis ne me suffirait pas. »« Je veux un prince, tu entends, Louis ? Un duc, au moins. »« Papa peut bien m'avoir ça. »« À l'étranger, peut-être. »« Pouh ! » fit-elle, « des ducs étrangers. »« On ne sait jamais si c'est sérieux. » Était-elle sérieuse elle-même en parlant ainsi, moitié rieuse, moitié nerveuse, toute drôle et si jolie, que Ribert avait envie de lui crier. « Tu ne dis pas un mot de ce que tu penses, cousinette. et si le nom de Lacoste ne te paraît pas assez retentissant, interroge ton petit cœur, et au fond, tout au fond, tu y trouveras peut-être blotti un nom tout aussi plébéien et vulgaire, celui de Giraud. Quoi qu'il en soit, dit le peintre en riant, que tu deviennes marquise, princesse ou duchesse, ça sera un événement terrible, ton mariage. Pour qui ? Pour ton mari, donc. Ah, le malheureux ! Ce que tu le traîneras de balle en balle et de plage en plage. Évite, Nomal, et leste au concours hippique, et rapidement au Grand Prix, au tir au pigeon, au carnaval de Nice, au carnaval des bains de mer. Quelle gymnastique ! Tu l'entraîneras comme un jockey, ton duc. Il y avait, tandis que le peintre raillait, une mélancolie inaccoutumée dans les jolis yeux bleus de Raymond. Elle semblait suivre, de loin, quelque image que sa pensée seule voyait. Elle s'échappait, évidemment, de cet hôtel aux murs encore frais, où elle voulait, pour un soir, enfermer tout Paris. Où trottait-elle de ses petits pieds ailés la fantaisie de Raymond ? « Mon cher Louis, dit la jeune fille brusquement à Ribert, tu ne me connais pas du tout, vois-tu ? Si j'aimais quelqu'un, je serais capable de me moquer de tout ça, tiens. » Elle montrait les invitations gothiques, la liste des invités, le petit meuble de boule, les tentures japonaises du boudoir, et d'aller manger du pain sec avec mon mari. Ça t'étonne. Tu n'es qu'un faux parisien, un faux philosophe. Non seulement tu ne me connais pas, mais tu ne connais pas les femmes. Louis essaya de rire. Voyez-vous ça? Cette gamine qui allait lui expliquer la vie humaine, mais son rire s'arrêta en chemin. Il devinait bien à qui pensait Raymonde. Parbleu, oui, elle l'aimait, cet Olivier, comme l'aimait André. Et il se rappelait le double serrement de main des deux jeunes filles l'autre matin chez le doyen, lorsqu'il avait chaudement parlé du jeune homme que Geneviève trouvait trop familier. Et cela lui causa une impression singulière à Louis, de penser que les petites moustaches brunes d'Olivier chatouillaient ce gai cerveau tout plein de chansons et de rêves bleus, et que, sous ses cheveux roux qui frisaient là, dans le soleil, il y avait une pensée entêtée pour ce garçon. Un brave garçon, soit, mais ni duc, ni prince, ni beau, ni étonnant, jeune, voilà tout. Ah, 20 ans, quelle richesse, pensait le peintre en regardant sa jolie cousine, son petit Clouet. Et avec tous les millions d'Émile Guimard, ni lui ni moi n'en pourrions acheter même pour 2 sous. Il eut envie de s'écrier. Ah, parbleu, quand on pense au loup. La porte, en effet, s'ouvrit, et Guillemard entra comme un ouragan. Il était rouge, congestionné, l'air effaré. Il cria du seuil du petit salon à son cousin et à sa fille. Eh bien, en voilà une nouvelle. Tu peux décommander les invités, Raymonde. Elle est loin, notre crémaillère. Psst, envolez la fête. Qu'est-ce qu'il y a donc ? Demanda la jeune fille, un peu effrayée. L'oncle Ducray. Commença le banquier. « Il est mort ?» dit Louis. « Ça ne m'étonne pas. »« Oui, mort, mort de colère, ma foi. » »« La vieille Brunet vient de m'envoyer chercher la bourse. »« Il tripotait, tu sais, l'oncle Sylvain. »« Un ordre donné à Rodion, que Rodion a mal exécuté. »« Peut-être exprès, la petite fouine. »« Et voilà une fureur, une rage. »« Peut-être que ça lui a raflé une partie de sa fortune, la plus grosse partie. »« On ne sait pas. »« Ah !» Quand il était mal engagé et qu'il perdait, féroce dans ces moments-là, le vieux Ducray. Je ne sais pas ce qui s'est passé en lui, mais ça l'a étouffé net. Je viens de le voir, il est dans son fauteuil, une momie, en robe de chambre. Il a l'air de dormir. Haïku escat, fit Louis Ribert. Il devait finir comme ça. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il ait autant traîné. N'aimer personne, ça conserve. Émile Guillemard eut un hochement de tête admiratif et n'essaya point de cacher le respect que lui inspiraient les hautes facultés financières de l'oncle Ducray. Un homme qui, du fond de son antre, menait la bourse et qui venait, avec Molina, de faire un coup sur les Souabes, d'ailleurs très malin. Molina. Guillemard avait des intentions sur Odillon et sur lui. Puisque Ducray n'était plus là, place à prendre. Raymond jetait de ses yeux bleus un regard mélancolique à ses invitations. C'était si joli, ces parchemins, ces lettres gothiques, ces sceaux de cire, et quelle liste d'invités. L'oncle Ducray aurait bien pu attendre avant de mourir que la crémaillère eût été pendue. Il l'a peut-être fait exprès, dit Louis qui suivait sous les cheveux d'or la pensée de cousinette. Je l'ai toujours trouvé si taquin. » Guillemard s'était jeté de tout son poids d'homme robuste sur un fauteuil recouvert de soieries japonaises, et il répétait d'un air plutôt ennuyé qu'attristé la banalité ordinaire. « Ce que c'est de nous ?»« Voilà tout, » dit lestement Raymond, comme s'il avait réfléchi et pris brusquement son parti d'une catastrophe. « Au lieu de fermer la saison, nous ouvrirons l'hôtel l'automne prochain. Ce sera aussi remarqué. » « Et les plâtres auront le temps de sécher, » fit Louis Ribert. « Ce n'est pas pour dire, mais ces hôtels nouveaux, coquets, amusants, des bonbonnières, ce sont autant de nids à rhumatisme. En mourant, qui sait combien de bronchites, angines ou laryngites l'oncle Ducret a évité à vous inviter ?» Il ne put s'empêcher d'ailleurs de sourire, assez ironiquement, en constatant le genre de raison funèbre que s'attirait ce vieillard qui disparaissait. Ils étaient là, trois êtres qui, point méchants du tout, n'avaient pas eu une larme, moins que cela, un attendrissement vrai devant cette mort. L'oncle Ducret n'avait pas cultivé l'art de se faire regretter. Qu'il vécût ou qu'il ne vécût pas, l'existence ne s'en trouvait pas changée. Guillemard et les Ribert avaient vieilli, André et Raymond avaient grandi sans que le vieux garçon, cuirassé dans son égoïsme, eût la moindre attention pour les pères ou pour les enfants. Il avait cadenassé sa vie hargneuse. Il se plaisait dans une sorte de mystère noir, d'existence impénétrable, où son avarice bizarre d'entasseur, de peseur d'or, se trouvait à l'aise, murée et repliée sur elle-même. Il n'avait rien aimé au monde que ses propres joies. Qui pouvait le regretter? Personne. Et c'était justice. Guillemard, en parlant de Ducret, ajoutait d'ailleurs que pour lui, l'oncle était un peu fou. L'originalité à ce degré-là devenait de l'extravagance. On trouverait, par exemple, un testament insensé dans les papiers du vieux millionnaire, que lui, Émile, n'en serait pas étonné. Il devait au reste laisser un joli magot à l'oncle Ducret. 7 ou 8 millions au moins, à moins que la dernière affaire n'eût fait baisser le chiffre. Mais on ne savait rien avec un être comme ça, dont personne n'avait la clé, fermé à secret comme sa caisse. Si André pouvait hériter, dit Raymond, tout naturellement, pensant à la cousine sans dot, « qu'est-ce que tu en penses, papa ?» Guillemard hocha encore la tête et dit en ricanant « Mon opinion à moi, c'est que ni André ni moi nous n'aurons un sou, tu entends ?»« C'est peut-être Mélie Brunet qui héritera de tout, est-ce qu'on sait ?» Je te la répète, avec un vieux braque. « Oui, Mélie. Ou quelque enfant du hasard, que nous ne connaissons pas, que Sylvain aura laissé ramer ses choux quelque part jusqu'aujourd'hui et qu'il fera riche brusquement par caprice. »« Un enfant, quel enfant ?» demanda Raymond. « Ah, dame, l'oncle Ducret a été un Richelieu à son heure. Je me rappelle le temps où moi, arrivant de Lille, je le voyais, aux avant-scènes, s'étaler avec des demoiselles qui doivent jouer les douairières et rendre le pain béni maintenant en province. L'oncle Ducret, ah, le matin !» Il s'interrompit de crainte d'en trop dire, et s'il eût été seul avec Louis, il eût conté les vieilles histoires du vieux Ducret. Le vieil hypocrite. S'il ne l'était pas pour les siens, il était généreux pour ses vices, celui-là. Et encore une fois, ce fut l'oraison dernière de ce squelette enveloppé d'une robe de chambre qui gisait, là-bas, sur son lit, derrière les volets de l'appartement de la rue Comartin, tandis que sur le cabinet espagnol, le Christ éternel regardait toujours, de ses yeux de verre, le fauteuil où se tenait d'habitude le vieillard, fauteuil vide maintenant, vide pour toujours, avec la couverture jetée au hasard et sur l'oreillette de cuir à l'endroit où Sylvain avait posé sa tête à l'agonie, un peu de sang séché. Le sang remontait aux lèvres du vaisseau que la colère avait rompu dans cette poitrine creuse.